Amis humains, bonjour. Élevage d'enfants. Article de la désencyclopédie. Mes grands-parents ont appris à mes parents à faire leurs lacets, mes parents m'ont appris à faire mes lacets et j'ai appris à mes enfants à faire mes lacets. Ma mère à propos de mon élevage. Moi, mon fils, il ne met jamais les coudes sur la table. Un ver de terre à propos de l'élevage de son fils. Le Fils de Dieu, dans son terrible martyr, ne met jamais les coudes sur la table. L'auteur de la Bible à propos de Jésus-Christ clouté sur la croix. Comment ? Tu veux être médecin ? Il y a 8 ans d'études après le bac pour devenir médecin, tu sais. T'imagines, si pendant 8 ans tu portes tous les jours ton cartable, le dos sculptera. Le ministre de l'Élevage national lors d'une discussion avec son fils à propos du manque terrible de médecins en France. L'idée des grandes vacances, c'est moi qui l'ai trouvée, c'est de moi. Le ministre de l'Élevage national à propos de son esprit fécond. L'élevage d'enfants, plus couramment appelé éducation, est une pratique qui permet la domestication des enfants pour l'usage des humains. L'élevage est nécessaire à la société, et c'est un devoir pour les parents d'élever leurs enfants. En effet, le manque d'éducation peut créer de terribles lacunes pour un pays. Depuis quelques siècles, voire 2 semaines, le niveau d'élevage a tellement régressé que le pourcentage de la population connaissant l'alphabet a baissé. Partie N degré 1, l'élevage d'enfants, comment faire ? De nombreux parents se sont demandé comment réussir à élever convenablement leur enfant. En effet, tout le monde est terrifié, pétrifié, terrorisé et névrosé à l'idée qu'un jeune enfant mal éduqué ose mettre ses coudes sur la table. On a cru pendant longtemps que l'élevage était quelque chose de complexe, d'impossible à réussir, d'infaisable. On peut dire aujourd'hui que c'est effectivement vrai. L'élevage varie chez chacun selon à peu près tout mis à part rien ou presque. Partie N degré 2, élevage. Au secours, aidez-moi. Les avis concernant l'élevage d'enfants sont divisés, on recense au moins 3 méthodes. Il y a l'éducation forte, l'éducation douce et l'éducation mi-forte qui est un mix des deux et qui est pratiquée essentiellement à Dijon. Voici une présentation de ces 3 méthodes. L'éducation forte. Tu me respectes. Aucun. Je commence donc par vous présenter l'éducation forte d'entrée de jeu. L'éducation forte a pour but de transformer l'enfant en un être à vos ordres et qui vous est dévoué, ce qui a ses avantages. De plus, elle permet d'exprimer son complexe de supériorité sans aucun scrupule. Pour parvenir à un stade d'excellence en matière d'éducation forte, il est nécessaire de respecter quelques règles. L'enfant n'est pas un être humain. L'enfant ne ressent pas la douleur. L'enfant est votre pire ennemi. L'enfant est un être vicieux qui vous veut du mal. Vous avez mal à la tête. C'est la faute aux enfants. Il pleut. C'est la faute aux enfants. Vous avez des enfants. C'est de leur faute. L'enfant ne sait pas réfléchir, il ne sait pas raisonner, il dit le contraire de ce qu'il pense même s'il ne pense pas. L'enfant véhicule des maladies. L'enfant est une raclure d'hémorroïdes galeuses d'une murène morte en décomposition. L'enfant est masochiste, il prend plaisir à vous être soumis et à exécuter des tâches humiliantes. L'enfant ne maîtrise pas bien le langage, il comprend mieux ce que vous voulez quand vous le frappez. Plus vous frappez fort, mieux il comprend. L'enfant ne doit pas vivre mais survivre. Monsieur Squelette vous souhaite le bonjour et emmerde tous les petits enfants qui vont souffrir de l'humérus à cause de lui. Tu me suis. Aucun. Dans la mesure où vous suivez ces règles, l'éducation forte ne devrait pas vous poser de soucis. Les seules conditions pour obtenir tout ce que vous voulez de vos enfants sont la destruction totale et systématique des moindres vestiges de votre bonne conscience et une bonne, pour ne pas dire bonne, condition physique. La nécessité de cette condition physique est directement liée à la règle numéro 10. Si vous voulez bien éduquer votre enfant, il faut qu'il vous comprenne. Imaginez un enfant qui pose ses coudes sur la table. Excusez-moi, je sais que c'est insupportable. Immédiatement, comme tout bon parent, vous saisissez votre fourchette et vous la plantez dans son bras, assez fort pour que les dents de la fourchette pénètrent la chair. Vous êtes satisfait. Vous croyez qu'il a compris. Je suis satisfait. Je crois qu'il a compris. Erreur. Quatre petites dents en métal dans son bras, il ne comprend pas, il croit que vous voulez jouer. Pour bien vous faire comprendre, vous devez parvenir avec votre fourchette, en frappant de toutes vos forces, à lui casser l'humérus, là il commence à comprendre. Si en plus vous écartez les fragments d'os avec votre couteau et votre fourchette, que vous découpez un bout de son bras et que vous le mangez cru, il comprend mieux. Il faut évidemment beaucoup de force pour parvenir à un tel niveau de perfection, mais la récompense est là, comme dans n'importe quel sport. En effet, l'élevage d'enfants est un sport qui est éprouvant pour ne pas dire éprouvant, et pour vous prouver la chose, l'élevage d'enfants a été récemment reconnu comme discipline olympique. Pour illustrer ces propos stressants, voici une petite scène familiale qui fera figure d'exemple dans chaque partie. Ici, les parents sont adeptes de l'éducation forte. Le père, la mère et leur enfant sont à table, le silence est de javelot mise, ils sont assis devant une assiette contenant de la salade et une escalope de dinde, sauce à la moutarde mi-forte de Dijon. Becky, assoiffé, tend son bras vers son verre d'eau, mais dans ce geste qui lui semblait contrôlé, son coude frôle la table. Oui, je sais que c'est une image insupportable, retirez-la de votre esprit si vous ne voulez pas noyer vos poissons rouges de colère. La Achoum. Ah pardon, j'ai un petit rhume. Carrerie croupe si F. L'éducation douce. Les parents adeptes de l'éducation douce sont caractérisés par leur utilisation d'une éducation douce. Elle a pour but de laisser vos enfants s'épanouir intellectuellement le plus possible. Les adeptes de l'éducation forte ont tendance à parler d'absence d'éducation plutôt que d'éducation douce. En effet, le principe de base de l'éducation douce est de ne pas gêner le développement de l'enfant, de ne pas lui poser d'interdit, de lui laisser la liberté de faire tout ce dont il a envie, tout cela sous prétexte que l'enfant doit être libre pour s'épanouir. Face au scepticisme de certaines personnes, une étude scientifique a été menée dans le but de vérifier l'efficacité de cette éducation. Les résultats sont accablants, les enfants élevés avec ce type d'éducation seraient semblables, voire différents des enfants élevés avec une éducation forte. Pour savoir si un parent pratique l'éducation douce ou non, demandez-lui d'où il est, vous êtes d'où. S'il vous remercie, merci. C'est gentil, c'est qu'il pratique l'éducation douce et qu'il croit que vous lui dites qu'il est d'où. Pour illustrer ces propos stressants, voici une petite scène familiale. Ici, les parents sont adeptes de l'éducation douce. Avec leur fille, ils sont à table, ils mangent de la salade avec une escalope de dinde, avec une sauce à la moutarde mi-forte de Dijon. Elle trempe alors sa salade et son escalope dans la sauce et les mange d'un seul coup tout en disant « La la la la la la, est-ce merveilleux en dessous ?» L'éducation mi-forte. Les parents adeptes de l'éducation mi-forte sont caractérisés par leur utilisation d'une éducation mi-forte. Souvent, chaque parent utilise une méthode différente, le père opte par exemple pour une éducation forte et la mère douce ou l'inverse de l'autre. Pour illustrer ces propos stressants, voici une petite scène familiale, un père, une mère et leurs deux enfants sont à table. Ici le père a des méthodes douces et la mère des méthodes fortes. Père, fière de sa brillante idée, chérie, et si on baisait tous les deux? Mère, offusquée de ce manque de considération envers leurs enfants qui risquent d'être choqués, mais il y a les enfants. Père, qui a mal interprété les propos de sa femme, tu as raison, faisons une partouze. Mère, choquée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Partie N degré 3. Cette partie n'est pas revenue. Vous pouvez cependant lire ce document. Déroulé. Preuve accablante du manque d'élevage de l'auteur de cet article. Preuve accablante du manque d'élevage de l'auteur de cet article. Preuve accablante du manque d'élevage de l'auteur de cet article. Partie N, degré 4, d'aujourd'hui à nos jours, l'histoire de l'élevage d'enfants. Il était une fois. Bon, tant pis. Je disais donc, l'élevage d'enfants a connu un début pathétique, une vie pénible et une fin qui n'est pas encore arrivée mais qui risque d'être joyeuse car elle est très attendue. Voici un résumé de l'histoire de l'élevage, de son apparition jusqu'aux dernières avancées scientifiques à son sujet. Apparition de l'élevage d'enfants. La première page du célèbre livre de Thalès, qui conseille aux parents d'utiliser le théorème de Thalès pour éduquer leur enfant. La quête de la méthode d'élevage d'enfants parfaite est incessante, mais quant à Thé ont commencé à rechercher les meilleures façons d'élever ses enfants. Les spécialistes et historiens s'accordent à dire que cette question serait apparue durant l'Antiquité. En effet, de nombreux ouvrages de l'époque font pour la première fois mention de l'éducation. Les grands savants de la Grèce antique furent sûrement les hommes les plus aptes de toute l'histoire de l'humanité à trouver les méthodes d'éducation les plus efficaces. Et heureusement, les grands savants de la Grèce antique se sont bien posé la question, comment élever convenablement nos enfants? Ils n'ont pas trouvé la réponse. On pense que la première mention du principe d'élevage d'enfants date de... Oh et puis merde, j'en sais rien. Je sais cependant la date de la prise de la Bastille, 14 juillet 1789. Malheureusement, ça n'a aucun lien avec cet article, dommage. Une experte rit en ce trois petits points. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas tout sur l'élevage d'enfants, il reste beaucoup de progrès à faire, et de nombreux chercheurs travaillent à ce sujet. Dernièrement, une équipe scientifique a obtenu des résultats prometteurs durant une expérience menée à la centrale nucléaire de Flamanville. Des enfants ayant entre 5 et 8 ans ont été placés au sein du réacteur en fonctionnement, devant une table. En moyenne, chacun a posé seulement 36 de ses 812 coudes sur la table et a croisé seulement 12 de ses 78 jambes. Cela signifie que malgré l'instinct machiavélique comme tous les enfants, ceux-ci se sont montrés bien éduqués. Il serait donc fort possible que des écoles radioactives soient mises en place dans le futur, dans l'espoir de faire des générations futures le symbole de l'élevage réussi. Un magnifique cadeau pour vous. Voici mon téléphone. Un iPhone 4S, il est génial. Bon, et si vous alliez découvrir votre cadeau au lieu de regarder mon iPhone? C'est ma voiture, elle est belle, hein? Bon, maniez-vous le cul, j'ai pas que ça à foutre moi, d'offrir des cadeaux, alors allez découvrir le vôtre au lieu de traîner devant ma voiture. Pour avoir écouté entièrement cet article, vous gagnez le droit exclusif de répondre à ce sondage formidable qui est sûrement la quintessence de quelque chose. Ne me remerciez pas, c'est naturel chez moi la générosité. De plus, je donne également un grand merci à tous ceux qui répondront à ce sondage seuls, les gros bons qui répondent avec franchise ou avec sincérité ne méritent pas mes remerciements curatifs. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.